بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc l'auteur qui nous dit, et donc il dit rahimahullah, tous ceux de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les grands pécheurs dont il a intercédé, c'est-à-dire dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé en leur faveur, ceux-là en sortiront, c'est-à-dire ils sortiront du feu par son intercession. Et donc les pécheurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en leur faveur et ils sortiront du feu. Cela fait partie de la croyance des gens de la sunna. Et donc les gens de la sunna, dans leur croyance, il y a al-shafa'a, l'intercession. Et donc si on regarde les textes de la législation, on verra qu'à certains moments dans le Coran, l'intercession va être approuvée. Et dans d'autres textes, l'intercession va être rejetée. C'est-à-dire qu'on montre qu'il n'y a pas d'intercession, ou que l'intercession, donc, n'est pas prise en compte. Et donc, il faut qu'on comprenne quand est-ce que l'intercession va être approuvée et quand elle n'est pas approuvée. L'intercession qui va être approuvée, affirmée dans le Coran, comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, dit toute l'intercession appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Toute l'intercession est à Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'intercession qui est approuvée, c'est une intercession pour les monothéistes. Il n'y a pas d'intercession pour les polythéistes. Exception faite de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib est celui qui aura le plus petit châtiment dans le feu. Non, le plus petit châtiment dans le feu. Donc Abu Talib, il a donc secouru le prophète, il l'a aidé, il l'a protégé, mais il n'était pas croyant. Il n'était pas croyant. Il est mort incroyant. Mais par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib aura le plus petit châtiment dans l'enfer. Ensuite, donc l'intercession, il n'y a pas d'intercession pour les polythéistes. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé, man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah, qui sont les gens qui seront le plus heureux de bénéficier de ton intercession au jour de la résurrection. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, ceux qui diront la ilaha illa Allah avec un cœur sincère. Et donc celui qui est monothéiste pourra bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important de savoir que man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Et il est important de savoir que l'intercession ne pourra se faire qu'après la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas d'intercession avant la permission d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal qui nous dit dans le Coran, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni, qui est celui qui va intercéder auprès de lui sans sa permission. Ça c'est ayat al-kursi. Qui est celui qui va intercéder auprès de lui sans sa permission. Et donc, barakallahu fikoum les frères, il est important, il ne faut pas comparer, il ne faut pas confondre l'intercession auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'intercession auprès du makhlouk, auprès d'une créature. L'intercession auprès d'une créature, elle peut se faire n'importe quand. Exemple. On va prendre quoi comme exemple? Ah, mashallah. On va avoir un frère qui a une fille, qui est en âge de se marier. Et un autre frère qui est dans la même tranche d'âge, qui voudrait se marier. Et il aimerait bien se marier avec la fille, avec la fille du père, donc avec le père de la fille qu'on a cité précédemment. Il aimerait bien se marier avec la fille du frère qu'on a cité précédemment, du moins. Mais il n'ose pas aller lui parler directement. Quand même, j'ose pas, je suis timide, etc., etc. Alors il va envoyer quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux aller le voir, lui parler, etc. Et donc l'autre personne va aller voir. Je me mets à parler, tu sais, il y a telle affaire par rapport à telle personne, etc., etc. Et donc il va intercéder en faveur de celui qui veut se marier, sans pour autant donc attendre une permission ou autre. Concernant Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'y a aucune intercession sans sa permission. Aucune. Et donc, l'intercession, elle se fera dans l'au-delà après qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala donne la permission. Et ça, c'est important de le comprendre. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans son livre, « Yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla. » Subhanallah. Et donc, il dit Tabaraka wa Ta'ala, en ce jour, personne, en ce jour, aucune intercession ne sera profitable sans sa permission, sans la permission du tout miséricordieux, et sans que ça soit l'intercession de celui dont Allah est satisfait de lui. Et donc, il faut qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala soit satisfait de celui qui intercède. Donc l'intercession se fait pour le monothéiste. Le monothéiste, c'est lui qui bénéficie de l'intercession. Et l'intercession se fait par le monothéiste. Car Allah n'est satisfait que de ce que des monothéistes. Et donc aujourd'hui, on voit toutes ces personnes qui vont voir des saints. Ils vont aller voir des saints, comme vous pouvez le voir dans les turuqs soufis, dans le soufisme. Ils vont voir des saints, invoquer des saints, demander l'intercession. Qui t'a dit que cette personne-là, Allah est satisfait d'elle? Et qui t'a dit que cette personne-là pourra intercéder en ta faveur? Il n'est pas permis de demander à la personne d'intercéder en ta faveur. Il n'est pas permis de demander à un mort d'intercéder en ta faveur. C'est du polythéisme. C'est du polythéisme, du shirk. Ils vont invoquer des saints en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il t'est interdit de l'invoquer lui-même en demandant son intercession. Ce que tu peux faire, c'est demander à Allah qu'il t'accorde, qu'il te fasse bénéficier de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tu peux le faire. Mais demander au prophète l'intercession, non. Et donc ça, c'est très important, barakallahu fikoum. Ça, c'est du polythéisme. Allah tabaraka wa ta'ala, juste après, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans son livre, « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ » Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur fait aucun mal et qui ne leur fait aucun bien. Ils adorent des morts. Le mal ne lui fait aucun mal et ne lui fait aucun bien. Et ils disent, ces gens-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et donc Allah, il dit, il les adore. Et donc le fait de leur demander l'intercession est un acte d'adoration. Surat Yunus, donc la surat 10, le verset 18. Il dit tabaraka wa ta'ala, ittakhadhu min dunihi awliya. Ils ont pris en dehors de lui des saints. Ils ont pris en dehors de lui des saints. Mais na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Et ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Sidi Foulen, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il dit quoi Allah tabaraka wa ta'ala concernant cela? Il dit, inna Allah yahkumu baynahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Il dit, certes, Allah jugera d'entre eux dans ce sur quoi ils divergeaient. Et certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur. Il ment sur Allah. Et incroyant. Et donc, c'est de l'incroyance. Le fait de rechercher l'intercession auprès d'autres qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'invoquer autre qu'Allah pour l'intercession. Et donc, la sourate 39, Az-Zumar, le verset 3. Sourate 39, le verset 3. Naam, des questions? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il y avait d'autres doigts qui s'étaient levés. Naam. Alors, Chefa, par exemple, si vous voulez demander quelque chose à Allah. Oui. Et vous connaissez que Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a des personnes qui sont plus à même d'être exaucées que, par exemple, quelqu'un par au Hajj, quelqu'un est dans une circonstance jeune. Alors, je vais répéter pour que les sœurs entendent, ou je vais reformuler. Donc, ici, la question, parmi les formes d'intercession, il y a l'invocation. Donc là, tu demandes à un vivant, tu ne demandes pas à un mort. Un vivant dont tu penses que c'est une personne dont son invocation peut être acceptée. Une personne qui est connue pour sa piété, la personne, elle est en voyage, elle fait le pèlerinage, etc., etc. Il y a des causes qui font que cette personne, son invocation pourrait être acceptée. Et donc, tu lui demandes d'invoquer pour toi. Alors, ce sujet, barakallahu fikoum, oui, c'est permis. C'est permis. Mais maintenant, il y a certains savants, beaucoup de savants, qui vont dire que tu peux invoquer toi-même. Et il fait partie de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le fait de placer sa confiance en Allah et de ne pas s'accrocher aux créatures d'Allah, le fait que toi, tu invoques pour toi-même. Et que, donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs t'interrogent me concernant, alors je suis proche. Et Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous appelle tous à l'invoquer. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et donc tu dois avoir la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala va t'exaucer. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et donc, il fait partie de l'aspect parfait du tawhid que tu places ta confiance en Allah, que tu aies une bonne opinion d'Allah, que tu aies la certitude qu'il va t'exaucer et que tu invoques pour toi-même. Ça, donc, les savants, ils insistent sur ça. Maintenant, il y a d'autres savants, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui attirent l'attention sur un autre point. Quel est ce point? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans 4 minutes, on va voir le Eden. D'accord? Et le mu'adhdin, il va se lever, il est prêt, Inch'Allah, il va faire l'Eden. Lorsqu'il finit l'Eden, on va invoquer, on fait l'invocation après l'Eden. Et justement, concernant les invocations qu'il y a après l'Eden, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit d'invoquer pour lui. Il nous dit, le prophète, d'invoquer pour lui en demandant El Wasila. El Wasila. C'est un rang qui ne lui sera accordé qu'à lui. Et il dit, et celui qui invoque pour moi El Wasila, mon intercession lui sera accordée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il nous demande à nous d'invoquer pour lui. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit, regardez, ici c'est le prophète. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous appelle à invoquer en sa faveur. Donc un, il est permis de demander à une personne d'invoquer pour soi. Et deux, cela ne contredit pas le tawhid. Mais ici, Ibn Taymiyyah nous montre qu'un autre point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que celui qui invoque pour lui, il aura telle et telle récompense. Et donc, en réalité, celui qui va invoquer, il va bénéficier de sa propre invocation. Et donc, il nous dit, Ibn Taymiyyah, la personne qui demande à une autre personne d'invoquer en sa faveur, en ayant l'intention que l'autre personne bénéficie de cela et que l'autre personne soit récompensée, alors ça rentre dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé à sa communauté d'invoquer en sa faveur. Celui qui demande à la wasila pour le prophète bénéficie de l'intercession. Et donc même chose aujourd'hui, parfois tu vas voir certains savants qui vont demander à certaines personnes d'invoquer en leur faveur. Ça rentre dans le même cas. Ce n'est pas une diminution du tawhid, etc., etc. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé à sa communauté d'invoquer en sa faveur. Et donc le dernier point qu'on verra, inshallah ta'ala, ou du moins l'avant-dernier point, donc les types d'intercession. On verra plusieurs types d'intercession qu'il y a, donc, qu'affirment les gens de la sunna. Donc, le plus important, la plus importante intercession est Shafa'atul Uzma, la grande intercession. Et c'est aussi El Maqamul Mahmoud. Et donc, c'est le rang louable qui sera accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque les gens seront ressuscités et que les gens verront cette situation terrifiante, ils voudront absolument être jugés et que cela passe. Alors ils iront voir les prophètes afin que les prophètes intercèdent en leur faveur et qu'Allah tabaraka wa ta'ala commence le jugement. Alors chacun dira nefsi, nefsi. Aujourd'hui c'est moi-même. Moi-même. Nefsi, nefsi. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dira, il dira analaha, analaha. Donc je m'en occupe et je m'en occupe. Et là, il va louer son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, va se prosterner. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala lui permettra d'invoquer, donc d'intercéder. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra donc intercéder en faveur de, donc en faveur des, pourra intercéder, pourra commencer l'intercession sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été cité dans As-Sahihain, les deux recueils authentiques. Al-Bukhari et Muslim. Et l'appellation Al-Maqam al-Mahmoud le rend louable, tout simplement parce que tous les gens vont louer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Ils vont le louer, c'est-à-dire donc le remercier par rapport à cela. La deuxième intercession. Le premier, c'est le rend louable. Non. La deuxième intercession, donc, et le rend louable, donc c'est la grande intercession. D'accord. Et la deuxième intercession, c'est l'intercession pour l'ouverture du paradis. Comme cela a été cité dans Sahih Muslim, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah » Je suis le premier des gens à intercéder concernant le paradis. D'accord. Et troisième et quatrième intercession, et donc c'est l'intercession pour les personnes qui méritent d'entrer dans le feu afin qu'ils n'y entrent pas. Donc les personnes qui ont été jugées et qui méritent d'entrer dans le feu afin que ces gens-là ne rentrent pas dans le feu. Et on a l'intercession pour ceux qui sont rentrés dans le feu, afin qu'ils y sortent. Ceux qui sont rentrés dans le feu, afin qu'ils y sortent. Les savants, ils ont aussi cité comme intercession le fait d'augmenter les degrés du paradis de certains. Et donc, cette personne qui rentre au paradis, le prophète intercède en sa faveur pour augmenter les degrés de cette personne au paradis. Donc la terre, c'est ceux qui étaient dans le feu, mais qui en sortent. Exactement, voilà. On a aussi l'intercession du prophète pour son oncle Abu Talib, pour diminuer son châtiment, ou alayka salam wa barakatou, comme on a cité précédemment, et donc ça c'est spécifique à Abu Talib, parmi les incroyants. Et on a aussi le fait que les anges pourront intercéder, les pieux pourront intercéder, etc. Alors maintenant, le dernier sujet, donc ceux qui ont rejeté l'intercession. Ceux qui ont rejeté l'intercession. Moi, je vais vous dire qui a rejeté l'intercession et vous allez m'expliquer pourquoi. Ceux qui ont rejeté l'intercession, c'est El-Wa'idiyya. On a dit tout à l'heure, El-Wa'idiyya s'englobe El-Khawarij et El-Mu'tazila, les deux groupes. Et ils ont rejeté l'intercession. Pourquoi ? Voilà. Eux, ils pensent que celui qui fait des grands péchés, c'est plus un musulman. Il n'y a pas d'intercession pour lui. Il n'y a pas d'intercession. Donc, eux, ils ont tous les hadiths qui montrent l'intercession et qui montrent que ceux qui, parmi les croyants, qui ont fait des péchés et qui vont dans le feu et ensuite qu'ils ressortent du feu, ils ont rejeté tous ces hadiths-là. Tous ces hadiths-là. Ils voient le hadith. On lui dit, personne, péché, sors de l'enfer pour aller au paradis, il te dit hadith daif, tout de suite. Ils vont rejeter tous ces hadiths-là. On a dans Jami al-Tirmidhi, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, mon intercession est pour les pratiquants, mon intercession est pour les gens des grands péchés parmi ma communauté. Et donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les pécheurs, ceux qui ont de grands péchés dans sa communauté, ils vont bénéficier de son intercession. Mais eux, ils ont rejeté tout cela. Pourquoi ? Parce que grand péché veut dire, selon eux, sortir d'islam. Grand péché, sortir d'islam. Donc ils ont rejeté l'intercession. Et donc ils ont rejeté les textes de la législation en se basant sur leur raison. Et donc ils vont prendre les textes qui sont en accord avec leur raison. Et les textes qui ne sont pas en accord avec leur raison, ils vont les rejeter. Et ça, c'est un caractère que tu vas voir chez les gens de l'innovation de manière générale. Pas que ce groupe-là. Chez les gens de l'innovation, de manière générale, ils vont s'accrocher aux textes qui les arrangent. Contrairement aux gens de la Sunna qui vont accepter tous les textes. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, les gens de la Sunna, ils répondent aux innovateurs en citant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Etu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et rejetez l'autre partie du livre? Et donc, il est important, jazakumullahu khairan, qu'on accepte tout le Coran dans son entièreté. Alhamdulillah, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On se repose un peu ce soir et on reprend. Bismillah, demain matin, après Fajr. Jazakumullah khairan. Ne mangez pas trop ce soir. Bismillah. Allah vous préserve. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.